Irus, Pyrrhus, Virus, il n'a jamais parlé. Des années et des années de travail sans même savoir qui c'était. Je vais découvrir avec vous un personnage qui est dès le début sur Stalingrad, terrain vague, avec ses compères Plaukis, Scipion. Une histoire de rencontre, les premiers pas dans le graffiti parisien. Alors en fait, ça commence, mon nom il a changé mille fois, et le nom qui apparaît dans Spray Canard, c'est Irus, effectivement, parce qu'à ce moment-là, je m'appelle Irus, et c'est devenu Virus par la suite. D'accord. Et, okay. En fait, avant ça, ça a été Pyrrhus, le tout premier c'était Pyrrhus, ensuite okay. C'est devenu Irus, je suis passé par un Dub One, et je suis revenu à Irus puis Virus. Ah ouais, d'accord. Alors, quand tu es sur le tout premier, Pyrrhus, là, c'est ce que tu m'as dit ? Ouais, Pyrrhus, c'est vraiment les palissades du Louvre. Ouais, donc on est en 84-85. Voilà, 84. Moi, je suis tout minot à l'époque. En 84, j'ai entre 13 et 14 ans. Donc, j'ai 14 ans à la fin de 84. Et je suis avec Scipion et Plaukis. Ouais, c'est ça. Voilà, deux copains de lycée, en fait, avec lesquels on a commencé, on a découvert les graffitis à ce moment-là, ensemble. Comment t'en es né au graffiti? Comme il y a peu d'infos sur toi, comment toi t'as rencontré le graffiti? Parce que tu fais quand même partie, alors dire les pionniers, c'est toujours un peu, voilà. En tout cas, tu fais partie des premiers, parce qu'on sait jamais qui sont les premiers, mais en tout cas, tu vas peindre très tôt, et c'est ça le principal. Qu'est-ce qui, toi, va t'évoquer cette envie d'aller peindre comme ça dans la rue? Alors, bon, moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, donc ça c'est du dessin au graffiti, quelque chose d'assez évident, parce que l'aspect du graffiti est, contrairement au mouvement précédent, la figuration libre et des choses comme ça qu'on voyait à peu près partout dans les murs sur Paris avec les gens qui faisaient les pochoirs, les, ouais. Ouais, les deux autres mouvements, disons, de la rue. Il y a un côté très... très vif, très coloré, très ludique et assez, assez accessible pour un gamin de 14-15 ans. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est assez attirant. Maintenant, comment j'ai débuté ben en fait, on s'est baladé un jour. Quelqu'un nous a dit il y a des graffitis sur les quais de la Seine. Ah, les fameux quais de Seine. Je vais te montrer les photos. Donc, c'est les quais de la Seine. Donc, ça devait être Pride, Scam ou Ebando. Ebando, oui. À l'époque. Et donc, on se retrouve à aller sur les quais de Seine et on passe par le chantier de la pyramide du Louvre, qui était donc entouré de palissades. Et là, on voit d'autres graffitis. On en voit un notamment. Je crois que c'était le Aldona. De Philippe et il me semble que c'était Aldona, peut-être un autre, je ne sais plus. En tout cas, je les ai quasiment tous en photo. Ouais. Il y a du Aldona très tôt, on voit que le style n'est pas encore là et tout, on est au début du truc. Et donc on se dit, wow, c'est ouf, ça déchire, machin, etc. Ben, nous, on va faire pareil. Et on remonte l'avenue de l'Opéra pour rentrer, nous, on était dans le 9e de Pigalle. Et on se retrouve à marcher à l'île de l'Opéra, et là on tombe sur la bibliothèque américaine qui était sur le trottoir de gauche, je crois qu'elle existe toujours. Ouais, toujours. Et donc on se retrouve là à passer devant la vitrine et on voit Subway Art, je veux dire. On voit Subway Art et on hallucine et on rentre et on regarde et on n'a pas de quoi l'acheter évidemment. Donc, on va très vite revenir pour trouver un moyen de l'acheter. Et c'est là qu'en fait, les portes s'ouvrent avec... et le lien qui se fait est complètement fou, parce qu'on voit que de l'autre côté de l'Atlantique, tu as des mecs qui ont déjà cartonné des trains dans tous les sens pour des styles de fou, et on voit quasiment la même chose chez nous, mais c'est la première fois de notre vie qu'on voit ça, quoi. Donc, on est complètement électrisé par le truc. Et on décide de revenir faire des graffitis. Et donc, on va sur les palissades du Louvre, je ne sais pas, je dirais une semaine ou deux après, pour faire notre premier graffiti avec donc Vincent, Plaukis, Stéphane, Scipion et moi-même. Et donc voilà, le truc de se trouver un nom, de machin. Il y a un côté en plus, on pouvait pas, enfin, on n'enregistrait rien à l'époque, il n'y avait pas de. Tu prenais pas une photo et tu l'avais avec toi, tu allais revoir ce que tu faisais, quoi. Et donc, c'est assez marrant parce que ce lien qu'on a tout à fait perdu aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, même si c'est à l'autre bout du monde, enfin, tu vas pas t'amuser à. Si tu veux, ça me fait penser aux peintres de la Renaissance ou d'après, qui faisaient des fresques et qui étaient obligés de revenir sur les lieux pour voir ce qu'ils avaient fait et pour étudier là où ils avaient merdé, pas merdé, etc. Il n'y avait pas d'autres moyens. Donc, après, il y a eu. Donc, on a continué à faire des graphes avec Scipion et Lokis. Lokis, il avait un an ou deux de plus que nous. Il est parti, je dirais. Alors, un truc, c'est que très vite, je pense qu'on a dû être les deuxièmes ou troisièmes sur le terrain vague à Stalingrad. Le premier, c'est Sao, c'est sûr. Nous, on voit le premier graphe de Sao et on rentre sur le terrain vague et en fait, le mec est là, comme je te disais. C'est-à-dire que. Alors, je sais pas si le mec était là au moment où on est arrivé, mais genre le lendemain ou je sais pas quoi, enfin quoi, la deuxième fois qu'on revient, très vite après, le mec arrive en même temps que nous ou après nous, enfin bref, et on fait connaissance, c'est hyper sympa. Au moment où on rentre sur le terrain, il y a que Sao et quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a un deuxième. Alors peut-être c'était Ski qui était. Qui a rejoint, je ne sais plus exactement quelle est l'heure, mais je me souviens que c'était vraiment une espèce de terrain totalement défriché. Et en fait, nous, on habitait dans le quartier, moi j'habitais à Pigalle, et donc notre lycée était à Anvers, donc on prenait la ligne aussi qui allait à la Chapelle et à Stalingrad, Jaurès, tout ça. Et en fait, c'est en passant dans le métro qu'on a vu ça, quoi. Pour donner des dates, du coup, toi, par exemple, tu commences à lâcher le mouvement, entre guillemets, autour de 95. J'ai retenu une date, j'ai l'impression qu'après, c'est Ouais, non, avant ça, en fait. Moi, avant ça. j'ai vraiment lâché assez vite parce que j'ai lâché, pour donner une date. En fait, faut que je réfléchisse. Moi, je suis rentré, j'ai fait les arts déco en 91. Pour un 7, je crois que c'est l'année de mon bac, donc j'étais peut-être un peu moins à fond. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 85 et 87, j'étais bien à fond dans les graphes. 87, j'ai dû mettre la pédale un peu plus douce. Bof. Et après 88, 89, rebelote, survenu. Enfin, voilà, j'étais tanké avec Philippe assez souvent. On a fait pas mal de choses ensemble. Mais encore une fois, alors moi, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que, à titre personnel, moi, le graffiti, encore une fois, je suis très content d'avoir commencé le graffiti très très tôt et d'avoir arrêté très tôt, en fait, parce que j'ai. À partir de 91, je vois qu'il y a trop de gens qui viennent dans le graffiti. Je trouve il y a plus de singularité, quoi. Il y a trop de gens qui font tous le même style et qui veulent tous être partout. Donc il y a une espèce de surpopulation autour du graffiti. Et en fait, ça me plaît moyen, quoi. Tu vois, je préfère l'être. Genre déjà, à l'époque, je préférais le bon vieux temps où il y avait 15 personnes et où tout le monde se connaissait et c'était assez ludique parce qu'on voyait vraiment les styles qui se dessinaient. Là, il y a une espèce de perte de style, je trouve, à partir de 91. Une mondialisation un petit peu du truc. Voilà. Et alors, c'est sûr qu'il y a toujours les cadors, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais Il il y y a a beaucoup de beaucoup de tags qui choses arrivent qui sont aussi. pas On bien, arrive vraiment quoi. dans les années des tags où ça va cartonner, mais Voilà tout se ça. mélange un peu. Ouais. Et donc c'est moi mon trip aussi. Et puis en fait moi j'ai beaucoup beaucoup développé. En fait c'est là où ça peut faire le lien si tu veux avec ton sujet, c'est-à-dire que le mur et la peinture et le graphe c'est plein de choses différentes. C'est-à-dire que ce que tous les gens voient c'est le tous les gens voient une image. Et cette image, elle est plus ou moins réussie, elle a plus ou moins d'impact et compagnie. Donc déjà, moi, si tu veux, j'ai capté à ce moment-là que l'impact, c'était quelque chose qui me concernait. C'est-à-dire que j'avais besoin et j'avais envie de faire des images qui avaient beaucoup d'impact. C'est-à-dire que quand tu compares, non, parce qu'il y a des peintures, il y a des peintres, si tu veux, dans l'histoire de l'art, qui ont des peintures très éthérées et d'autres qui ont des peintures super puissantes. Bah, moi, toi, je suis plus attiré par un Michel-Ange. Que par un peintre anglais, Gainsborough, ou un truc comme ça. Tu vois, c'est plus dans la Oui, d'accord. puissance de ce que va communiquer l'image. Et donc, tu avais des gens Par exemple, Mode est très, était très fort à ce moment-là aussi pour ça. Philippe aussi. Après, ils avaient tous les deux une façon de. Et Chou aussi, d'ailleurs, par la suite. Mais ils avaient une façon de capter le. De construire une image sur un mur qui me paraissait super efficace. Donc, ça, je sais que ça m'a suivi. Ensuite, tu vois, à part l'image, tu as aussi le process. Si tu veux, tu as des gens qui aiment le graffiti pour toute l'aventure que ça amène. Et tout ce que ça veut dire en termes justement de préparation, d'escalade, enfin de risque, de machin. Moi, ça m'a jamais intéressé. Encore une fois, quand j'étais petit, ouais, c'est une aventure. Des copains ont fait ça, c'est rigolo. Mais en vrai, c'est pas du tout le truc qui m'excite. T'as des gens qui aiment pas l'image, mais qui aiment ça. Tu vois, et typiquement, un boxeur, c'était un mec qui était là-dedans à fond. À fond, Lui, ouais. ce qui m'excitait, c'était l'organisation, le van, on fermait les portes, on roulait, on Ouais, s'arrêtait, on regardait avant. paramilitaire. Ouais, paramilitaire, vraiment. Donc, du coup, t'as pas fait tant de vandales que ça, même si la plupart des graphes n'étaient pas autorisés, mais je pense pas un peu à la manière d'un Non. notice et tout, il y a du terrain, et il n'y a pas de mal, hein, d'ailleurs, à ça. Jay l'explique bien aussi dans le livre que c'est cool, on est des graffeurs de terrain, mais on va pas forcément sur de la rame du métro ou aller déchirer, Ouais, tu vois. exactement, ouais. Moi, ça m'intéresse. Enfin, si tu veux, ça me met pas de points dans la performance. Ça rajoute pas un truc au propos, quoi. Tu vas faire un truc qui a été interdit. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat pour moi, si tu veux. Donc, Ouais, c'est si le une quête résultat, encore. voilà. Si le résultat, c'est de dire, ouais, j'ai fait un truc que les autres pouvaient pas faire et c'était interdit et j'ai réussi, alors je comprends le délire, mais c'était pas le délire. Donc, voilà. Et un autre truc aussi que j'ai compris, c'est que moi, il me fallait plus de concepts et plus d'idées dans les graffitis. Il fallait pas que ce soit juste décoratif. Et il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont partis dans le décoratif, en fait, dans le graffiti. Il y a très peu de. Ça a jamais évolué vers des choses conceptuelles. Les idées, si tu veux, c'était des formes de lettres, des formes des couleurs, des agencements, des styles. C'est très plastique. C'était pas conceptuel, tu vois. Ça, il y a pas de. C'était des recherches plastiques, vraiment. Pareil, ça te guide sur ce que tu as envie de faire ou pas. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire qui a. On peut enchaîner. Ah bon, on regardera les photos à la fin, on fera l'envers, on s'en fiche, on fait comme on veut. Ce qui est intéressant par rapport au point où tu t'arrêtes là, c'est donc on va dire que peut-être dans les débuts des années 90, du coup, ça t'excite moins. C'est pas la même quête que tu recherches. C'est par rapport aux toutes les idées que tu as données qui t'ont donné une motivation à titre personnel, justement, dans tes études, et comment tu vas évoluer par la suite, et qu'est-ce qui va rester du graphe? Est-ce que le graphe, c'est juste un premier pas, une espèce de marche parce que c'était cool, et puis tout le monde l'a vécu comme ça, on s'est accaparé cette énergie comme on a voulu, il y en a d'autres qui en sont sortis ou pas sortis ou mal sortis aussi. Toi, comment tu vas évoluer, du coup, en regardant en arrière, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que tu gardes quelque chose, ou tu pars vraiment sur ton. Sur ta nouvelle vie, ce sera un super souvenir et puis ça s'arrête là. J'essaie toujours de savoir Non, s'il y mais a un petit lien. il y a carrément. Alors, le lien, il va se jouer. Alors, il y a un très gros lien avec la musique, mais ça, on y reviendra. Mais d'un point de vue purement plastique et graphique, le graffiti, en fait, le graffiti, c'est quoi? C'est des lettres. Hormis les personnages, évidemment, mais alors, la majorité des trucs, c'est des lettres. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'art, on va dire. Tu as un mouvement entier qui est basé sur les lettres et sur le dessin des lettres, tu vois, et un mouvement en plus ultra populaire. Ça, c'est pas une école, c'est pas un machin. C'est genre, il y a un engouement pour écrire des mots, et ça, si tu veux, c'est pour moi, c'est le point de départ. Parce que moi, j'ai étudié quand j'ai fait les arts déco, j'ai étudié la typographie, et ça a été vraiment le dessin de lettres, mon envie, mon parcours à moi, ça a été de, je vous disais, plus tard, j'y dessinerai des caractères de lettres qui sont trop stylés, machin, etc. Et mon rêve, carrément, c'était de dessiner les timetables, les petits magazines, enfin, les petits leaflets qu'on donnait dans les gares ou dans les aéroports pour se repérer avec les horaires et les destinations. Ah oui, ok. Tu vois, parce que là, ça nécessitait, si tu veux, d'organiser l'information le plus rapidement possible pour que les gens se déplacent rapidement et trouvent l'information. Donc, c'est vraiment l'efficacité visuelle. La lettre, en fait, le dessin de la lettre, des caractères, a une super importance là-dedans. Bien Donc, moi, sûr, j'ai oui. commencé là-dessus. Et en fait, ça m'a appris énormément parce que le dessin d'une lettre, c'est un truc qui est hyper rigoureux. D'ailleurs, tu as qu'à voir, quand Philippe dessinait ses lettres, il dessinait avec un crayon super aiguisé. Et c'est super affûté, et il n'y avait pas de. Enfin, c'était pas un croquis, quoi. C'était vraiment des lettres ultra, ultra précises. Il avait une petite gomme, il gommait tous les petits trucs, puis il revenait, il faisait toujours un trait nickel. Et en fait, moi, ça a une importance après, parce que quand tu es sur du blanc et du noir avec une lettre, tu es obligé d'avoir un équilibre visuel super fort pour que ce soit, justement, pour que ce soit équilibré. Et c'est une qualité que tu développes, c'est vraiment un atout que tu développes après quand tu fais de l'image plus globalement parlant, c'est-à-dire que tu as vraiment un sens de la composition qui est plus costaud que ceux qui viennent directement par l'image en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Le sens de la lettre et de l'information qui doit passer éventuellement devant ou pas. Ouais, graphiquement, si tu veux, tu as un espace blanc. Ou pas, dans lequel tu mets un signe qui est blanc ou noir ou l'inverse, il faut que ça, il faut tout trouve, c'est un truc de composition, quoi. La Ah, oui. composition, quand tu es sur un mur avec plein de lettres, il faut que tu fasses un truc qui tienne la route, c'est pas juste, sinon ça se casse la gueule, c'est pas bien foutu, etc. Et c'est là où tu vois qu'il y en a qui ont plus d'impact que d'autres. Donc tout ce travail-là, pour moi, ça a vraiment été, ça m'a amené, si tu veux, à travailler cet aspect-là. Et dans toute ma vie après, j'ai fait des choses qui recherchaient l'impact, qui recherchaient l'équilibre et l'impact visuel, quoi, tu vois. D'accord, oui, donc Et ça t'a vraiment suivi depuis le départ, ça t'a jamais lâché. voilà. Maintenant, effectivement, le style graffiti, ça, j'ai laissé tomber assez Bien sûr. rapidement. Et puis, il y a aussi l'autre truc, c'est la musique. Et là, en fait, bah, moi, j'ai toujours travaillé l'image en rapport avec la musique, depuis que je suis tout minot, c'est-à-dire que depuis Ok. que Bon, alors là, vraiment depuis c'est très. super intéressant. Là, ça, je ne le savais pas du tout, personne ne me l'a Bah, dit. si tu veux, je sais pas si tu es allé voir Wikipédia ou mon site, si tu vas voir mon site, Ouais. bah, tu fais laurentsiroussi.com et tu verras, j'ai fait plein de pochettes de disques pour pratiquement tout le monde en France depuis les années 90. Et j'ai fait, donc, j'ai rencontré plein de musiciens, etc. Et moi, j'arrive, enfin, comment dire, mon apport au truc, si tu veux, ça a été de réussir à mettre en relation des styles de musique ou des styles de chanteurs avec une image qui leur correspondait. Et Ok. ce truc-là, c'est un truc qui existait déjà quand on faisait des graffitis, tu vois. Quand on faisait des graffitis, il y avait toujours un poste de musique à côté de nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était plus des mecs de terrain aussi, c'est parce que, tu vois, c'était plus cool d'avoir de la musique et de pouvoir kiffer avec des potes à faire des graphes que de courir sans musique. Voilà. Du coup, j'ai une question qui me vient maintenant, qui peut être importante. Quel est ton lien avec la musique? Parce que du coup, dans le livre, tu te rendras compte que, avec Bando, par exemple, on parle du BMX. Chacun prend un chemin, on arrive tous à Rome, mais on n'a pas pris les mêmes chemins. Il y en a qui commencent à peindre, les autres à danser, les autres au platine, ainsi de suite. Moi, je vais commencer à peindre en 87, alors que j'écoute déjà Skoolie Dee en 82, par exemple. Tu vois, donc il y a vraiment des espèces de croisement. Est-ce que toi, par rapport à tout ce que tu m'as dit du début du terrain et tes premières peintures, est-ce que la musique, on va dire quand même hip-hop, entre guillemets, même si pour moi elle est électro-disco-hip-hop à l'époque, c'est en plein fusion parce qu'on arrive, tu sais, dans les années 80 et forcément les nouvelles machines de chez Roland, pour citer que, va changer clairement la donne au niveau rythmique. Est-ce que toi, dans tes premiers pas, la musique, ton rapport avec la musique, c'est plutôt AC/DC ou Skoolie Dee ou KRS Ah non, mais One ou même pas du Tronix? tout. Ah non, mais alors, pas du tout AC/DC, moi, carrément, origine. Moi, je suis vraiment. Mes premiers amours musicaux, ça va être Prince. Et il y avait, à l'époque, il y avait une radio qui s'appelait Radio Show. Vraiment, je te parle du Oui, truc, j'avais bien 10 sûr. ans, là. Ah oui, Radio bien sûr, Show. je me souviens. Voilà, donc eux, ils avaient, avec Chandisque et compagnie, tu vois. On se retrouvait à Chandisque pour voir les apports, etc. Moi, j'étais à partir de 13-14 ans, pas avant, tu vois, mais déjà, c'était. J'étais hyper concerné, je faisais du break au Trocadéro. Donc, c'était Ok. voilà, la danse. Après, plus tard, ça a été le centre de danse de Paco Rabanne, pas loin du terrain, mais beaucoup plus tard. Donc, j'ai fait beaucoup de danse pendant un moment. Et surtout, moi, c'était Afrika Bambaataa, Mentronic, c'est un peu moins, c'est un peu trop raide, mais on allait au Phil One, le Phil One à la Défense qui avait fait je sais pas, les 10 ans de la Zulu Nation, ou c'était un truc comme ça, je crois déjà. Il y avait pas mal de monde d'ailleurs à ce moment-là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette soirée, le Non, Phil One à la Défense. non, justement, personne. Et comme je suis pas très loin, moi, je suis du côté ouest, justement, le livre parle beaucoup de ça. Celle-là, on ne me l'a pas raconté à la Défense. À part un peu le Midnight Express qu'il y avait en dessous avec les soirées du dimanche et les Black Dragons, et il fallait éviter les coups de poing. Ouais, ça, Ouais, c'était c'était pas une toujours. ambiance assez musclée, la Défense, tu vois, entre graffiti et muscle. Bah, je te confirme, moi je me souviens que j'étais. Bah, je me demande si j'étais pas avec Sao, tiens. On était avec lui, on était et il n'y avait pas de Jay, je crois. Je suis pas sûr qu'il y avait Jay. Et je suis à peu près sûr qu'il y avait Sao. Et on était au Phil One, donc ça s'appelle Phil apostrophe One. Et c'était vraiment sur un coin, c'était ultra glauque, c'est-à-dire que on est sorti de C'était la boîte à un pas moment l'ancien. donné. Quand tu parles du Phil One, c'est un lieu, c'est pas l'ancien Midnight Express, ça me dit peut-être quelque chose, c'est pas un club, non, qui était sous la Si, Défense? ouais, c'est un club qui était. Alors, je me souviens, il y avait un parvis devant, quoi. C'était Ouais, un bah alors, peu. cherche pas, ça y est, je sais, parce que j'ai interviewé les mecs de la Défense et bientôt de Colombes, mais il faudra un deuxième livre. Et ils m'ont parlé d'avant ça, c'était le Phil One, je suis quasiment sûr que c'est la même D'accord. chose, le même endroit, et c'est devant le parvis, Voilà. je pense Et ben qu'on avait. on est sorti de là. Il y avait un mec qui, on était là. Et je crois qu'il y avait H qui faisait, enfin Sao à l'époque, qui fumait une clope. Et on était 4-5. Et donc on était vraiment vers 15 ans, 16 ans, tu vois, vraiment. Enfin, peut-être un peu plus vieux. Bon, on n'était pas bien épais. Et il y a un mec qui est venu nous ambiancer, un mec de la Légion, un petit mec qui nous a fait flipper notre nez. Le mec, il crissait des dents et il nous disait, mais je vais vous éclater tous les uns après les autres. Il nous a... C'était vraiment... un légionnaire, un mec, il était légionnaire et il avait envie de se taper avec des cannes, quoi, tu vois. Et comme il avait l'air plutôt facho comme mec, qu'on n'avait pas tous. Enfin, moi, j'étais blanc, mais je devais être le seul dans l'histoire. Il avait juste envie de se foutre sur la gueule et on se souviendrait à peu près toute ma vie, je crois, de ce truc-là. Et voilà, ça pour dire qu'on était allé là parce que je crois qu'il y avait le. Il me semble que c'est le 10e anniversaire de la Zulu Nation. Ben, alors là, tu es la première personne à m'en parler sans être vraiment du coin. Je vais enquêter. Au Phil One, il y aurait eu un truc spécial, Zulu Nation, avec Bambata qui était sur place, du coup. Alors, je ne sais pas si c'était Bambata ou une meuf qui était venue, la représentante de. Je crois que c'était plutôt une nana de New York qui était descendu, qui était là, où enfin, il y avait un espèce de truc. Tout le monde espérait que Bambata soit là, mais Pas sûr. je Je vais suis pas enquêter. sûr. Avec ce Ouais, que tu m'as pas dit, je sûr. vais enquêter avec les anciens. On va voir s'ils se souviennent. Mais très bonne soirée avec de la pure musique, c'était chambé, quoi. Donc voilà. Donc bon, le lien avec la musique, c'était ça. Mais après, si tu veux, moi j'ai jamais. Parce que pareil, en 91, trop de monde. Je trouve que le rap en France, alors il y avait de temps en temps. Les mecs d'NTM qui déboulaient sur le terrain, mais je les voyais de loin en loin. Il y avait aussi, assez tôt, il y avait Cassel, le frère de Bien sûr, Mathias, oui. qui revenait de son cours Florent là, en vélo et qui passait la tête de temps en temps. Il y avait toute une petite hype qui commençait à se monter, si tu veux. Mais moi, je me suis. Enfin, j'étais pas. Je me suis dit, ça va pas bien loin. Enfin, si, NTM, c'était quand même bien depuis le début. Je trouvais. Mais le reste, ça me paraît, c'est pas super flippant. Et du coup, j'ai un peu laissé le rap français de côté. Bon, j'ai continué à écouter du rap africain parce que voilà, il Américain, marche ouais. super bien, évidemment. Et c'est bien plus tard que j'ai fait en 98, j'ai fait la pochette d'NTM pour leur album, leur album NTM, quoi, là où ils sont tous les deux en bleu sur la pochette. D'accord, ok. Parce que les premiers, c'est Colt. J'ai quelques trucs avec Colt. J'en ai mis quelques-uns. Alors, je sais plus si c'est les albums. Moi, j'ai des petits 45 tours. Je sais pas si on est en mode album. Ouais, il a dû faire les lettrages avec le NTM Ouais, voilà, Store, quelque ouais. chose comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et c'était le premier pochette, c'est Mondino qui leur a fait la photo. Après, il y a eu deux, trois autres photos, plus, je crois qu'il y avait un photographe américain là-dedans, et puis un autre qui, peut-être Seb Janiak, qui leur a fait un truc, mais je ne suis même pas sûr. Tous les trucs du graffiti, tout ça, j'ai jamais T'as kiffé sur des pochettes. ouais. Alors, si, alors, tu me diras, la première pochette que j'ai faite officiellement, la première pochette que j'ai faite officiellement, je devais avoir 20 ans, et c'est, ou 19 ans, attends, c'est en quelle année, je ne sais plus, et c'était pour Dynasty, c'est son deuxième album. Comme quoi, tu vois, même après la pochette, c'était pour du rap, quoi. D'accord. Ouais. Ben c'est marrant ce que tu dis, ça me, je pense à autre chose en même temps. À chaque fois que j'ai interviewé, j'ai pas fait tout le monde parce que sinon tu ferais un roman. J'avais déjà 900 pages et ça fait 650 pour l'instant. Et l'imprimerie me dit qu'il faut descendre à 612, tu vois, et on pourra en faire des kilomètres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les artistes qui ont voulu aller plus loin assez rapidement, c'est ceux qui se sont barrés quand même du mouvement assez rapidement. Et les autres, on est plutôt resté dans ce truc de couille et de répétition et de, on est dans quelque chose d'autre. Et franchement, il y a une similitude sur certains artistes qui ont voulu un peu tracer leur route. Et tu fais partie de ceux-là. Et je suis en train de réaliser que vous partez à peu près tous au même moment. C'est marrant. Quand il y a Ouais, vraiment le début des années 90, ce que j'appelle un peu l'âge d'or, entre guillemets, alors, ça ne veut pas dire que c'est l'âge d'or artistique, mais l'âge d'or où tout le monde s'y met, où il y a vraiment le métro, le machin et tout. Moi, je suis vraiment un peu vieux con là-dessus. Moi, j'ai l'impression que le graffiti, il a été vraiment ultra primitif entre 70 et 80 et 85. C'est mes ouais, ça. meilleures années parce que comme il y a de la contrainte et que les idées se mélangent et que c'est quand même relativement dur de pomper, entre guillemets. Alors que nous, quand on arrive dedans, on compte déjà que c'est déjà pompé, tu veux dire. Et c'est vrai, quand tu Bien prends sûr. l'essence même du truc, tu dis, mais d'où ils ont inspiré les Marvel, les machins, les pubs, dans quel livre ils vont, d'où ils sortent les flèches, comment. Et ça, pour moi, c'est magique. Ça, c'est Ouais, vraiment absolument. mon côté old school, où je me dis, putain, les mecs, là, ils se la donnaient de la même façon. Là, on voit bien dans les documentaires d'époque que les mecs, ils attendaient que le métro passe. Mais putain, le défi, c'était pas de s'en mettre une dans la gueule, ou beaucoup moins que prévu. C'était putain, il a fait une flèche incroyable, il faut pas lui péter à son style, parce que sinon, ça veut dire que t'es un toy, machin et tout. Et là, t'as vraiment une guerre du style qui est vraiment ultime. Et Ouais, détrône. d'où ce nom magique de Style War, qui est, à mon avis, inimitable. Et j'ai Ouais, du ça. mal, et là, je suis en train de regarder des photos de Sao que je vais te montrer après avec un style que tu pourrais dire ripou de l'époque, comme certains pourraient le dire, mais putain, ça transpire tellement une autre énergie. Et plus on Ah s'est ouais. développé avec la technique, plus la technique est devenue dingue, même s'il y a des super bons graffeurs, à la même façon old school, il y en a encore. Mais quand même, on sent que tout le mouvement, il s'est décalé sur le côté technique, la progressive, les bombes avec les palettes de couleurs incroyables, pour arriver de temps à autre où il y a quand même un bon 70% qui n'évoque pas grand-chose finalement. C'est dur de se faire remarquer. Mais c'est sûr, mais il y a aussi un autre élément qui compte énormément, et c'est peut-être aussi pour ça que ceux qui doivent s'en aller vite s'en vont à ce moment-là, c'est que la rareté fait le. Effectivement, quand tu as cinq trucs à regarder dans la ville, les cinq qui sont dignes d'intérêt. Quand on a 20, c'est encore possible. Quand on a 100, 150, ça devient mort, parce qu'en vrai, tout devient à peu près commun, quoi, tu vois. Et comme tu le dis, c'est-à-dire que ce qui a été inventé n'est plus que repris, même s'il y a des nouvelles choses, ben c'est un truc entre deux, c'est tout à fait aussi fortement différencié des autres. Donc, c'est normal, si tu veux, qu'au bout d'un moment, tu te dises, bah, attends, ça devient de la purée, quoi. Tout ressemble à tout. Il n'y a plus personne qui fait des trucs bien. En fait, c'est pas exactement ça, c'est que fondamentalement, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'images à regarder. Regarde, aujourd'hui, on est, tu vois, sur Instagram, sur machin, on est pourri d'images dans tous les sens. Ouais, Moi, j'en c'est peux plus des affolant, images. En vrai, moi, je suis photographe, je te jure, j'ai plus envie de faire des images, quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas de produire des choses qui sortiront pas du lot. Ça sert à rien. Enfin, je vais pas ouais. réinventer le truc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, là, Non. en ce moment, c'est de faire une exposition sur la non-photo, tu vois. Ça m'intéresse, ça me fait rire, quoi, parce que je trouve qu'il y a un D'accord, truc de dans prendre. le concept à aller chercher, quoi. À un moment, il y a eu trop de propositions, trop de choses, et effectivement, comme tu le dis, je me souviens très bien du frisson qu'on avait quand on avait un Sao, un Bordeaux, un Lotis, des mecs qui arrivaient et qui proposaient des choses, et on était genre, waouh, mais c'est d'où ça sort le truc, quoi. Ouais, Tu c'est ça, vois? c'est la question d'où ça sort. Ça c'est Voilà. assez commun, ce, je trouve, de cette question. Et c'est, bah, de toute façon, ça sort forcément, ça sort de la culture, effectivement, la culture des comics, ça sort de la culture populaire des comment dire, il y a qu'on piochait des trucs dans le truc constructiviste, t'as Von Baudet, la bande dessinée Von Baudet, bah, tu vois, déjà dans Bien Fréganard, sûr. il est déjà pas mal présent. Bien présent, oui. Et après, toutes ces inspirations, tu t'aperçois que. Mais nous, le problème, c'est qu'on est jeune à ce moment-là, qu'on n'a pas une grosse culture. Et qu'en fait, pour bien faire, il aurait fallu que des mecs de 30 ans arrivent avec notre fraîcheur à ce moment-là et fassent des choses avec leur culture. Ça aurait été fou. C'est-à-dire que là, ils auraient proposé des trucs qui potentiellement auraient été complètement extraterrestres. Et ça n'arrivera pas parce que en fait, le graffiti, c'est enlisé dans son propre style, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un style graffiti qui s'est dessiné parce que justement, ce mélange s'est fait. Et ça a donné un style graffiti, mais qu'elle n'est pas plus loin que de la déco. Ce que je disais au début, c'est que c'est très décoratif. Je pense que le street art, même le street art, c'est une arnaque énorme. C'est-à-dire que. Mais en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un trop-plein d'images, quoi. C'est-à-dire que je jette la pierre à personne, mais en vrai, ça s'est institutionnalisé. C'est-à-dire que le graffiti est devenu une affaire, ce qui était assez mortel au début d'ailleurs, hein, quand tu regardes bien le gouvernement français dans les années 80, fin 80, début 90, quand il y en a certains qui ont compris, qui se sont dit, attends, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer dans la rue, et c'est un moment important, c'est très bien que ça a été vu et repéré, mais il y a eu une récupération. Du graffiti à ce moment-là, qui a été qui fait que bah, tout le monde fait des graffitis et que c'est devenu bah, il y a plus le frisson de l'époque, il y a plus l'originalité de l'époque, il y a plus tout ça, quoi. Parfois, je trouve que c'est bien qu'un mouvement reste un peu dans son coin et avec ses codes et ses machins, c'est devenu too much. Et le street art, c'est encore pire. Et est-ce que dans ton évolution, parce que là, je suis sur le site et il y a quand même, t'as fait plein de choses, est-ce que il y a des moments clé dans ton évolution où tu as pris un gap où les gens se sont mis à t'appeler? Est-ce que c'est après la musique? Est-ce que on t'appelait pour ce que tu savais faire? Est-ce que tu bossais sur des multinationales en tant qu'un peu ouvrier spécialisé? Ou comment tu t'es fait en termes de nom? Comment tu as évolué quand on Non, t'appelle? alors moi en fait j'ai toujours fait des pochettes de disques ou des affiches pour des musiciens qui étaient des potes ou des machins comme ça. C'est vraiment le truc que j'ai. Au lycée, je faisais, tu vois, les affiches pour mes potes qui faisaient de la musique dans les gaps, quoi. Donc D'accord, ok. ça a toujours été mon truc. Et ensuite, quand je suis rentré aux Arts Déco, j'avais mon pote de l'époque au lycée qui était le chanteur de No One Is Innocent. Ah, donc, il avait pas mal cartonné à l'époque, en 90, je crois. Ouais. Et j'aurais fait leur pochette, et la pochette, elle a cartonné, enfin, l'album a cartonné, la pochette a été beaucoup vue, on m'a demandé d'autres pochettes, donc là, c'est Universal qui est venu, qui m'a demandé des pochettes pour d'autres artistes, Rachita, Ouais, je vois que tu as fait énormément Zazie aussi, quasiment tout, j'ai l'impression. Oh, pas tout, mais non, je suis arrivé après Mondino sur Zazie. Je suis arrivé après Mondino, bon, cela dit, il est plus âgé que moi, mais Ouais. il avait fait justement Rachita, j'ai fait la pochette après lui. Donc, du coup, ouais, il a fait NTM, j'ai fait NTM, je crois qu'il n'a pas fait M. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, donc, du coup, en fait, voilà, les pochettes que j'ai faites, bah, après, j'ai fait surtout Bachung Fantasy Militaire, qui a été un énorme point de référence pour beaucoup de gens en France pour la pop. Et qui était pareil, c'était des images qui étaient diffusées énormément parce qu'il y avait des affiches, parce que tu avais les taxis qui étaient, mettaient les affiches sur les taxis, enfin, il y avait des images circulaient énormément. Bah, du coup, moi, ça m'a propulsé aussi de la même manière que les gens qui ont fait toute la French Touch, ils ont bénéficié de la musique French Touch dans le monde et Bien ils ont sûr. été mis en avant, les Alex Goffer et tout comme ça, tu vois. Bah, moi, Du j'ai coup, ça t'a bénéficié de. projeté sur, catapulté, j'allais dire, sur les clips, comme beaucoup. Ouais, en fait, Berman, un jour, on m'a proposé, on m'a dit, c'est midi minuit, on dit, bah, attends, tu fais des putains de pochettes, vas-y, viens, on fait des clips. Et donc, ils m'ont proposé de faire des clips, et après, j'ai fait des clips. Et ensuite, j'ai continué à faire des pochettes, des clips, et puis un jour, on m'a proposé de faire la mise en scène du spectacle de Calogero pour faire la scénographie, la mise en scène, où j'ai commencé à faire ça, et puis après, j'en ai fait d'autres, et voilà. D'accord. Du coup, tu faisais toujours un peu du clip et de la pochette, parce qu'on sait qu'avec Ouais. l'arrivée de iTunes et tout, les pochettes sont devenues quand même des timbres-poste, donc ça a été quand même Ouais, un peu mais compliqué. Mais il fallait quand même du visuel, il fallait qu'on il ait y a quand même du l'impression. visuel. Bah, ce qui était marrant, c'est qu'il y a la première pub d'Apple quand ils lancent iTunes en France. Ils font ça tout le souterrain à Montparnasse quand t'es sur Ah, sur les le tapis tapis roulants. roulant? Ah oui, Ouais, ok. ils mettent tout ça avec que des pochettes de disques dans tous les sens, en petit, en grand, machin. Et la plus grosse au milieu, c'est celle de Zazie Rodeo. Ah ouais, ok, d'accord. Là, donc, c'est à ce moment-là où tu fais, ah ouais, donc là, donc, si tu veux, le visuel est hyper important, même pour des MP3, même en petit. Ouais, ça restait quand même. Donc, du coup, tu vas continuer à en faire avec du clip en même temps de la mise en scène. Tu te bloques pas d'un truc ou tu passes pas d'un monde à l'autre. Tout reste Non, ouvert finalement. ouais, pour moi, je fais. Mais en plus, ce qui est génial avec la mise en scène et notamment le spectacle sur un monteur, c'est que bah, ça réunit tout ce que j'aime. Ça réunit la musique, évidemment, ça réunit la danse, ça réunit le visuel, que ce soit de la typo, de la vidéo, des effets spéciaux et des machins, des trucs. Enfin, c'est une richesse infinie, quoi. Bon bah écoute, ouais, tu m'as répondu par rapport à tout ça et à l'évolution de ton métier, donc tout est resté assez lié. Donc aujourd'hui, on peut t'appeler, on peut encore faire une pochette de disque avec toi. Je trouverais bien. Bon, ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir.